Nous sommes sur Terre, près de 8 milliards aujourd'hui, vraisemblablement 10 en 2050, et après? Et si après l'explosion démographique, c'est l'inverse qu'il se passait? Si la population humaine s'effondrait, que se passerait-il? Des espèces sociales, on connaît les fourmis, les hyménoptères, guêpes et abeilles, les termites, et pourquoi pas certains coléoptères qui développent des comportements qui tendent vers une organisation sociale. Et enfin, c'est une aventure tellement rocambolesque qu'on en a fait un film, la découverte d'un navire sépulture anglo-saxon du 7e siècle sur le site de Sutton Hoo en Grande-Bretagne qui éclaire d'une nouvelle lumière cette époque du Haut Moyen-Âge. Effondrement démographique, coléoptères, œufs sociaux et trésors au fond du jardin, c'est le programme copieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour déplier, pour déployer ce programme, j'ai le plaisir de recevoir une fois de plus la fine fleur du journalisme et de la vulgarisation scientifique. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour Nicolas Martin, bonjour à toutes et à tous. Chef du pôle numérique de Science et Avenir, notre partenaire chéri. Bonjour Thomas Cavaillé. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Rédacteur en chef adjoint chez Science et Vie et bienvenue à Cécile Breton. Bonjour Nicolas. Bonjour, vous êtes rédactrice en chef de la revue Espèce, mais cette émission ne serait rien sans son tour complet de l'actualité scientifique de la semaine avec l'indispensable Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude qui fait la une de la revue Science aujourd'hui, avec la découverte d'une espèce disparue de requin, un requin-aigle. Oui, dans le golfe du Mexique, une équipe internationale, dont des chercheurs du CNRS, a fait la découverte d'un étrange fossile vieux de 93 millions d'années, un requin à aile. C'est un très beau spécimen hybride qui ressemble à une remonta et à un requin. L'animal possède un plan corporel que nous n'avions jamais vu. Il mesure 1,65 m de long pour une envergure de 1,90 m. Il possède une nageoire caudale, comme tout requin, et des nageoires pectorales extrêmement longues et fines, comme les ailes des mantas. Dans les eaux du Crétacé supérieur, ce requin aigle devait se nourrir de plancton. On pensait qu'il n'existait qu'une seule famille de grands mangeurs de plancton. La découverte de cette deuxième famille montre une nouvelle facette inattendue de l'histoire évolutive des requins. En bref, selon une étude parue dans la revue American Journal of Physical, la chasse chez les premiers humains ainsi que la taille des proies a peut-être influencé l'évolution du genre homo. Oui, nous vous en parlions un lundi dans notre émission sur le gigantisme. Cette équipe israélienne rappelle que l'on connaît l'évolution alimentaire du genre homo grâce aux traces d'aliments conservés dans les dents ou grâce aux traces de découpe laissée sur les os. Les australopithèques mangeaient principalement des plantes, Homo erectus mangeait plus de viande et surtout de très gros animaux comme des éléphants. Mais après avoir exterminé la mégafaune locale, les premiers humains ont été contraints de chasser de petites proies et donc de développer des techniques de chasse beaucoup plus sophistiquées. C'est l'hypothèse de cette étude, chasser du gibier plus petit a peut-être été un avantage évolutif. Et on reste dans la gastronomie préhistorique avec cette étude parue dans la revue Current Biology qui a analysé le dernier repas d'une mouche vieille de 47 millions d'années. Et c'est la première fois que l'on examine le contenu de l'estomac d'une mouche de la période de l'Éocène. Des chercheurs ont découvert sur le site fossilifère de Messel en Allemagne un fossile de mouche au ventre plein. Ils ont découvert des grains de pollen d'au moins 4 familles de plantes. C'est un aperçu rare sur le comportement alimentaire et sur l'écologie de cette période. La mouche avait déjà un rôle important dans la pollinisation des écosystèmes primitifs. Et on poursuit ce journal des sciences de la semaine avec cette étude parue cette fois-ci dans la revue Nature. Pour la première fois, des chercheurs ont créé des versions artificielles des premiers stades d'un embryon humain. Et l'étude du développement embryonnaire humain est très compliquée pour des raisons éthiques et juridiques. Pour contourner cette limite, une équipe australienne a réussi à créer in vitro le premier modèle complet d'un embryon humain précoce, des blastocystes de synthèse. Alors les blastocystes, ce sont des structures cellulaires qui se forment 6 à 7 jours après la fécondation. Alors pour cela, les chercheurs ont utilisé des cellules souches pluripotentes, c'est-à-dire qui sont reprogrammées, des cellules souches cutanées et des cellules souches embryonnaires humaines. Ils ont baptisé leur modèle des blastoïdes. Ces blastoïdes ne ressemblent pas tout à fait aux blastocystes. Ces expériences sur des souris ont montré qu'ils se développent mal au-delà des premiers jours. Ils n'ont donc pas le statut d'embryon, mais ils portent encore suffisamment de similitudes pour fournir un modèle d'étude de l'embryon humain. Selon cette étude, cette technologie va permettre de pouvoir étudier les tout premiers stades du développement humain, mais aussi de mieux comprendre l'infertilité et certaines maladies congénitales. Et en bref, selon une étude parue dans la revue Cell Stem Cell, une équipe hollandaise a fait pleurer des organoïdes. Oui, ces chercheurs ont créé des organoïdes du canal lacrymal humain qui sont capables de pleurer des larmes. Ils ont cultivé en laboratoire ces glandes à partir de cellules souches humaines traitées avec des protéines pour leur croissance. Puis, ils ont testé sur ces organoïdes une hormone, la noradrénaline, c'est cette hormone produite par notre cerveau qui nous fait pleurer sous une émotion. En 30 minutes, les organoïdes se sont gonflés et se sont remplis de larmes, de vraies larmes humaines, avec de la présence de l'hypocaline 2, une protéine du liquide lacrymal. Des tests sur des souris ont montré que ces organoïdes pouvaient être transplantés. Cela pourrait résoudre différents problèmes de santé liés à la sécheresse oculaire. Et cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question d'une nouvelle hypothèse pour expliquer la disparition des océans martiens, de la découverte d'un variant breton du SARS-CoV-2, du coup d'arrêt du vaccin d'AstraZeneca dans de nombreux pays, mais également dans l'actualité des sciences. Cette semaine, Natacha est en ultra bref. Cette semaine, on apprend que l'astronaute Thomas Pesquet sera le prochain commandant de bord de la Station Spatiale Internationale. C'est la première fois qu'un Français va diriger une mission spatiale. Thomas Pesquet prendra les commandes de l'ISS lors de son prochain voyage le 22 avril avec la capsule américaine Crew Dragon. Cette semaine, une équipe anglaise a résolu le casse-tête de la machine d'Anticythère, une horloge astronomique grecque ou un proto-ordinateur en bronze vieux de 2000 ans. Voilà plus d'un siècle que l'on tente de décoder ces inscriptions et surtout l'agencement de ces petits trous. C'est chose faite. Selon les chercheurs anglais, cette machine s'actionne avec une manivelle et affiche le mouvement des planètes dans le ciel. Des pierres précieuses indiquent la position de chaque astre. Et enfin, si nous sommes très sensibles du bout des doigts, c'est grâce aux crêtes de nos empreintes digitales. Lors d'expériences, les enregistrements de l'activité électrique ont montré que les zones réactives de nos doigts sont minuscules, d'environ 0,4 mm de large, et qu'elles suivent les mêmes motifs que nos empreintes digitales. Ce sont bien elles qui sont responsables de notre sens du toucher si raffiné. Et comme tous les vendredis, on termine ce journal par la rubrique des sciences improbables avec aujourd'hui une étude parue dans Current Biology qui nous dit que les femelles grenouilles peuvent mettre sous silence les mâles qui ne les intéressent pas. Et les étangs de grenouilles sont des hauts lieux de cacophonie. Les chants d'une centaine de grenouilles, d'une douzaine d'espèces différentes, peuvent atteindre les 100 décibels. C'est l'équivalent d'une salle de concert. Les scientifiques qui les étudient portent d'ailleurs des bouchons d'oreilles. Une équipe américaine a découvert que, pour reconnaître les mâles de leur espèce, les femelles peuvent couper le son des mâles indésirables. Des expériences dans une chambre acoustique avec des grenouilles ont montré que leurs poumons fonctionnent comme un casque anti-bruit, capable de réduire le volume sonore ambiant. Les vibrations pulmonaires des femelles éliminent les fréquences de certains sons, et surtout ceux des courtisans inutiles. Et nous, c'est magique, il suffit de tourner le bouton de la radio. Mais ce que vous n'allez pas faire, puisque vous allez continuer à rester avec nous pour ce vendredi d'actu. Merci beaucoup Natacha, à lundi. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et voilà, on va faire un petit tour de table pour débriefer cette actualité scientifique de la semaine. Cécile Breton, honneur au primo arrivant. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette actualité scientifique de la semaine, dans ce journal des sciences, qui vous a fait réagir, qui a attiré votre attention et sur lequel vous voudriez dire un mot? Oui, écoutez, il y a plein de choses intéressantes dans le domaine des sciences de la vie, en tout cas. Alors effectivement, ce qui va attirer mon attention plus spécifiquement, c'est le requin aigle. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est parfaitement assez extraordinaire de retrouver des espèces du Crétacé totalement nouvelles. Je m'interroge d'ailleurs comment, parce qu'il a été effectivement comparé à une raie manta, mais je me demande comment cet animal qui a des nageoires caudales très fines se mouvait dans l'eau, puisque la raie, elle fait un espèce de mouvement ondulatoire avec ses nageoires. C'est pas vraiment des battements d'ailes, comme on peut imaginer que cet animal se véhiculait. Voilà, ça fait partie des espèces de convergences évolutives qu'on voit partout dans l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a Il y a des tests tout le temps de méthodes de survie qui sont toujours assez extraordinaires. Oui. Il y avait un autre élément dont on avait parlé hors antenne, on a parlé cette semaine qui est assez fabuleux, c'est sur l'intelligence des céphalopodes avec ce nouveau test, ce test de personnalité qui fonctionne sur des calmars géants et où on apprend et on voit un peu plus sont apparus dans l'évolution des intelligences complexes, différentes de l'intelligence des primates, mais en l'occurrence chez les céphalopodes, ce test-là est assez impressionnant, Cécile Breton. Oui, c'est-à-dire que effectivement, c'est d'autant plus impressionnant que la structure du cerveau des céphalopodes est très très radicalement différente de la nôtre. On va juste rappeler en deux mots de quoi il s'agit, c'est-à-dire qu'on a fait passer ce qu'on appelle le test des chamallows. Vous savez, c'est ce test qu'on fait passer aux enfants humains d'habitude, c'est-à-dire qu'on leur dit voilà, on te donne un chamallow et si tu réussis à attendre 10 minutes, tu en auras un deuxième et on voit bien les enfants qui cèdent tout de suite à la pulsion et qui arrivent les autres qui arrivent à réfréner leur leur tentation. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le test de la gratification différée qui a été faite pour à l'origine dans les années 70 pour des enfants humains, donc qui avaient entre 3 et 6 ans à peu près. Donc on mesure la maîtrise de soi, effectivement, avec ce test où on obtient une gratification plus importante si on attend et si on ne prend pas tout de suite la première. Si on arrive à inhiber ses pulsions, en fait. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, il y a des comportements d'évitement. Donc la céphalopode dont on parle, la sèche, c'est une sèche. Elle va retourner son corps, elle va s'éloigner de la première récompense, mais elle arrive à tenir presque 130 secondes, je crois, pour arriver à obtenir plutôt des crevettes vivantes qu'un morceau de crevettes mortes moins appétissant. Donc c'est assez extraordinaire parce que les animaux qui réussissent ce test sont ceux qu'on connaît généralement qui sont les champions de l'intelligence, en tout cas d'une intelligence qui est assez proche de la nôtre, c'est-à-dire les chiens, les chimpanzés, etc. Et ils ont aussi cette espèce de comportement, soit ils ferment les yeux, soit ils s'éloignent. Et d'ailleurs, les petits-enfants humains aussi vont se mettre à chanter ou à essayer de se distraire pour pouvoir attendre le plus possible. Donc oui, ça c'est effectivement encore une réussite, un exploit des céphalopodes qui ne finissent pas de nous étonner du point de vue de la cognition. On rappelle d'ailleurs que les céphalopodes avec les primates font partie des clades sur lesquels on n'a pas le droit de faire d'expérimentation, sauf besoin nécessaire, autorisation. Enfin, ils sont considérés depuis peu comme des animaux à part des animaux classiques sur lesquels on peut faire de l'expérimentation en laboratoire. Une réaction les uns des autres, Olivier ? Il y a eu, à propos de ces intelligences animales, il y a eu un papier qui a été médiatisé cette semaine sur les cétacés, sur les cachalots, qui a montré que pendant le 19e siècle, pendant le plus fort de la chasse aux baleines, vous savez, ces expéditions façon Moby Dick, Herman Melville, et bien il semblerait que les cétacés aient développé des comportements de défense par rapport aux baleiniers, puisque dans les rapports écrits à l'époque et qui ont été numérisés récemment, mais qui ont été dont le souvenir, dont la trace a été conservée, il ressort que après de premières années où on pêche beaucoup de cétacés, il y a une brusque chute et il y a des témoignages de pêcheurs, de baleiniers qui racontent avoir vu ces comportements comme ça, d'évitement où des jeunes des juvéniles vont auprès de cétacés de cachalots plus vieux pour se comporter de la même façon qu'eux. Donc bon, c'est absolument fascinant, oui. Je viens de recevoir un petit SMS qui m'annonce quelque chose que je vais vous annoncer aussi, puisque la JSPI, qui est l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information, vient de me décerner le prix du journaliste scientifique de l'année. Donc félicitations. Très fier. Très fier de pouvoir vous l'annoncer. C'est un peu ému aussi. Donc voilà, on va continuer cette émission malgré tout. Thomas, d'autres choses dans la presse de cette dans l'actualité scientifique de la semaine. Oui, moi j'étais assez étonné par cette étude qui lie donc l'évolution du cerveau humain et de son intelligence avec la taille des proies qu'il chassait. En disant d'ailleurs que d'abord on chassait les humains chassaient d'énormes proies, puis ensuite il a dû se rabattre sur les petits lorsqu'il avait tout éliminé. Déjà, moi c'est la première fois que j'entends qu'on chassait d'énormes proies. La plupart des chercheurs m'ont toujours dit que par exemple les peintures rupestres n'étaient jamais chassées. On chassait pas le mammouth. Tous les ossements qu'on retrouve, c'est souvent des tout petits animaux. Et surtout, ça donne une impression en fait que l'intelligence et le cerveau humain, c'est un peu et ça a grossi petit à petit, alors qu'en fait c'est apparemment pas ce qui s'est passé. On sait qu'il y a eu plutôt des paliers, il y a eu des mutations génétiques particulières, il y en a certaines qui ont été d'ailleurs identifiées. C'est les travaux de Wieland Huttner sur le gène ARAGAP11B sont absolument formidables, où on voit que ce gène là en particulier exprimé chez des souris provoque double le nombre de progéniteurs basaux, donc des cellules qui vont donner les neurones ensuite. Donc en fait c'est une étude très controversé. Moi, j'ai regardé un peu les réactions qu'il y avait dessus. Calmons-nous. On peut peut-être aussi dire un mot, Olivier, de quelque chose qui a quand même occupé une grande partie de l'actualité scientifique de la semaine. C'est ce vaccin AstraZeneca avec finalement l'arrêt de la vaccination dans bon nombre de pays avec une sorte d'effet boule de neige politique assez important. Puis l'annonce hier de l'autorité européenne du médicament et aujourd'hui de la haute autorité de santé en disant Tout est ok, on peut vacciner, mais on ne peut pas complètement exclure. En fait, ça devient assez compliqué de comprendre si ce vaccin est sûr ou non, si ses effets secondaires sont importants ou non. C'est vraiment une séquence assez ratée en termes de communication scientifique. Scientifique et politique, hein, surtout, parce que moi, Nicolas, je suis prêt à beaucoup de choses à votre micro, essayer d'expliquer la physique quantique, le boson de Higgs, mais expliquer par exemple la locution de Jean Castex hier soir, c'est impossible. C'est autre chose, c'est pas notre travail, il y a d'autres gens qui font ça très bien. Mais bon, quand même un petit peu, puisque ce sont des décisions qui sont prises appuyées sur des considérations scientifiques. Et c'est vrai que l'aller-retour autour de la question d'AstraZeneca cette semaine, c'est terrible pour la confiance collective, c'est terrible pour le moral des Français qui est quand même, on est laminé quoi, enfin on n'en peut plus, et ce jeu du c'est bon, c'est plus bon, parce que le AstraZeneca donc était déconseillé aux personnes de plus de 55 ans. Déconseillé aux plus de 65 ans, parce qu'on ne savait pas s'il provoquait suffisamment d'immunité chez les personnes plus âgées. Puis il s'est avéré que oui. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé, ce matin, a donné un avis en disant qu'il était plutôt conseillé pour les plus de 55 ans, parce que les quelques cas de thrombose et de caillots sanguins sont repérés notamment chez des femmes de moins de 55 ans. Bref, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Je tiens à signaler à nos auditrices et à nos auditeurs qu'on ce sera le numéro des idées claires de la semaine prochaine, vraiment sur la question des effets secondaires de la vaccination. Mais il faut bien comprendre que on tolère mal les effets secondaires de la vaccination, parce que c'est un médicament qu'on donne à des personnes saines, alors qu'on tolère très bien les effets secondaires de tout un autre tas de médicaments, simplement parce qu'ils sont là pour soigner une maladie, donc si l'effet secondaire est moindre que la maladie. Bref, il y a quelque chose d'assez intéressant, mais c'est vrai que c'est assez inaudible. Thomas, un mot là sur AstraZeneca, vite fait? Effectivement, on ne sait pas trop où se placer, parce que hier Jean Castex a dit que finalement l'autorité de santé avait conclu qu'il n'y avait aucun lien entre les cas de thrombose. Et donc je ne comprends pas très bien en fait cette nouvelle communication, c'est-à-dire que c'est un principe de précaution. C'est un principe de précaution. Donc, en attendant des résultats. En attendant des résultats, c'est sûr que c'est difficile à comprendre, mais ils sont nécessaires, moi j'ai l'impression, de toute façon. Cécile Breton, vous avez un avis ou un commentaire à faire sur cette politique d'AstraZeneca? Bah oui, on suit ces problèmes de communication scientifique sur les vaccins et sur les virus depuis longtemps. C'est vrai que à la décharge du gouvernement, c'est extrêmement difficile de dire ce qu'il faut dire et ce qu'il faut pas dire. Alors, comme effectivement les gens sont quand même assez peu au fait de la méthode scientifique, hein, de la façon dont on gère le doute en science et comment ça progresse. Là, le choix, c'est est-ce qu'on dit qu'il y a un doute ou est-ce qu'on ne dit pas. Mais après, à mon avis, l'erreur, ça a été d'arrêter. Donc, ça a donné une ampleur à ce fameux doute qui était quand même assez ténu à l'origine. Bon, a priori, là, on ne sait pas vraiment encore si ce lien est fait ou pas. On essaye de faire comprendre aux gens que c'est le bénéfice-risque qui prime. Mais ça, je pense que la population a du mal à l'accepter, parce que effectivement, on prend un risque. Alors, vous avez raison, effectivement, le problème avec les vaccins, c'est qu'on ne peut pas comptabiliser les bénéfices réellement, puisque ce sont des gens qui ne deviennent pas malades. Donc, c'est extrêmement, enfin c'est compliqué à diffuser. Est-ce qu'il faut tout dire ou pas tout dire ou... Enfin bref, voilà. Donc j'ai du mal à porter un jugement direct sur comment il aurait fallu faire au mieux pour communiquer ces résultats ou pas les communiquer. On va passer à notre table ronde et à nos trois dossiers du jour. Je voudrais juste redire un mot, parce que comme effectivement la nouvelle est arrivée en plein direct, je voudrais juste dire à propos de ce prix du journaliste scientifique de l'année, je voudrais le dédier aussi à toute l'équipe de la méthode scientifique, parce que une fois de plus, si c'est ma voix que vous entendez au jour après jour, ce travail-là, je ne pourrais absolument pas le faire sans elle et sans eux. Donc vraiment, merci à toutes et à toutes d'avoir porté ou de m'avoir permis de porter ce travail collectif. Évidemment, merci également à la direction de France Culture et à Sandrine Trainer pour la confiance qu'elle me fait. Et puis, une pensée toute particulière aussi en cette semaine un peu spéciale au camarade Michel Berganti qui nous a quittés hier et qui m'a aidé à mettre bien cette émission en forme. Donc voilà, c'est tous les gens qui je dédie et donne une partie de ce prix que j'ai reçu aujourd'hui et qui me touche beaucoup. Voilà, ceci étant dit, on va passer à la suite de cette émission. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, premier dossier de cette table ronde d'actualité scientifique. Et si la planète se vidait ? Je vous entends dire derrière votre poste de radio, tant mieux pour la Terre, hein, si on est moins nombreux, la planète va pouvoir recommencer à vivre et à respirer. Mais une fois qu'on a fait ce constat, concrètement, que va-t-il se passer une fois qu'on aura atteint, et ça c'est quasiment acquis, un pic à 10 milliards de personnes sur Terre en 2050 ? Eh bien, que se passe-t-il donc si la population décroît ? Et si elle décroît fortement, c'est une hypothèse assez solide et que vous adressez Thomas Cavalier dans le numéro de Science et Vie de ce mois-ci. Alors qu'est-ce qui se passe si la population de la Terre décroît ? C'est bien ou c'est pas bien ? Ah, ça, c'est pas vraiment à moi de répondre. Moi, je fais que c'est cette enquête donc de Vincent Nouriga est absolument incroyable. J'ai trouvé effectivement c'est quelque chose qui c'est pas l'idée reçue qu'on a du futur de la population de l'humanité. Effectivement, là aujourd'hui il y a 200 000 personnes qui habitent la Terre chaque jour. On va monter effectivement à 10 milliards en 2050, mais c'est ça, 220 après, 000 personnes en plus chaque jour, hein. 220 000 personnes en plus chaque jour effectivement. Et 10 milliards en 2050, et après, effectivement, il semble que certaines modélisations, en tout cas une récente modélisation de l'Université de Washington, montre que ça va décroître. Et c'est absolument incroyable de penser ça. C'est en fait inédit, à part bien sûr pour cause de catastrophe, mais c'est inédit dans l'histoire de l'humanité moderne. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut commencer à penser. Et Ce qui est intéressant, Thomas, c'est que on se rend compte de plusieurs choses qui vont un peu justement à l'encontre des idées reçues que l'on peut avoir. C'est que déjà, le taux de croissance annuel de la population a déjà commencé à réduire. Oui, tout à fait. Ouais. Par exemple, en France, il est de 1,8, un peu plus, je crois, 1,9. Et le taux de fécondité, ce qu'on appelle donc le taux qui permet de renouveler les générations, il est censé être à 2,1. En fait, ça, c'est le taux qui permet d'avoir une population stable. Donc, c'est déjà, le taux de renouvellement. Taux de renouvellement, oui. Excusez-moi. Oui. Et donc, du coup, en France, il est à 1,87. Et pourtant, on est en fait un bon élève dans la fécondité, hein, parce que si on regarde nos voisins que sont l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou encore la Grèce, ils sont plutôt eux, à 1,3. Mmh. Et prenons par exemple la Corée du Sud, eux ils sont à 0,98. Ouais. Ça veut dire qu'en fait dans la prochaine génération, la nouvelle génération de Corée du Sud, en fait, il manque la moitié. C'est assez extraordinaire. Donc on est en train effectivement déjà de voir dans certains pays un effondrement de la population. Le Japon par exemple, chaque année perd 500 000 personnes. C'est assez incroyable. Alors cette baisse de population et cette baisse de fécondité, elle est compensée par des États qui ont encore des taux de natalité très hauts. Mais même ces États, et on pense à l'Afrique évidemment, même en Afrique, le taux de natalité est en train de descendre petit à petit. Ouais, en Afrique subsaharienne, effectivement, on estime que il descendra en dessous de 5 enfants par femme. Même déjà en 2020, il est déjà à 5 enfants par femme, mais il continue de baisser en fait. Donc c'est toute la population mondiale qui va finir par baisser. Donc on pense qu'on sera donc 10 milliards en 2050, on sera plus que 9 en 2100, normalement, en tout cas selon ces projections-là. Mmh. Mais c'est assez intéressant au niveau des... des politiques, du coup, parce que les politiques qui se mettent en place, qui sont tout à fait pro-natalité. C'est assez incroyable de voir ça. Par exemple, le Japon, il espère repasser à un taux de 1,8 d'ici le milieu de cette décennie. Vladimir Poutine aussi espère passer de 1,5 à 1,7 d'ici 2024. Mais c'est super compliqué. Comment forcer les gens à faire des enfants? Au mieux, c'est en aidant à l'aide d'aide financière, mais au pire, ça veut dire faire des restrictions sur des choses comme la contraception ou encore le droit à l'avortement. C'est très touchy. Ce qui est curieux, Thomas Cavalier, dans cette histoire-là, c'est qu'on a tendance à se dire on est trop nombreux, on l'entend, la surpopulation est l'une des raisons du dégradation du climat, de l'augmentation des gaz à effet de serre, de la baisse de la biodiversité. Donc on pourrait se dire que la population humaine réduise un peu, c'est plutôt bon signe, mais ça peut avoir des conséquences qui sont des conséquences beaucoup plus complexes à gérer qu'on ne l'imagine. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que ce serait bien qu'on soit mieux, moins sur la planète, mais c'est quand même encore très ancré chez nous, cette idée qu'un bon État a une forte population, alors que c'est plus du tout le cas, mais c'est quelque chose encore ancré. Maintenant, faut pas oublier que c'est les nouvelles générations qui ont tendance à décroître. Donc en gros, on va avoir une inversion complète de la pyramide des âges. Exactement, exactement. Là, il y a une estimation qui est de... C'est fin du siècle, 2,37 milliards de personnes de plus de 65 ans contre 1,7 milliard de moins de 20 ans. En gros, on aura une population vieillissante, ça, il faut le savoir. Alors, c'est sûr que le dépeuplement fait on a cette image-là de village abandonné avec seulement quelques vieillards. Mais bon, déjà, ce sera qu'une génération qui se passera ainsi, même si ça continue à décroître. Et surtout, en fait, ça permet de mettre moins de, vous l'avez dit tout à l'heure, moins de naissances, c'est aussi moins de pollution, parce qu'on sait qu'un enfant à naître c'est une pollution incroyable. Est-ce qu'on a des idées ou des explications sur les raisons de cette baisse de la démographie et de ce futur effondrement démographique qui nous attend après 2050? Des raisons, vous voulez dire, mis à part les explications pour lesquelles la natalité baisse, le taux de natalité et le taux de fécondité. Mais il y a peut-être effectivement déjà une prise de conscience de chacun qui se dit qu'il faut faire peut-être moins d'enfants pour la planète. Je sais pas si ça en fait partie ou pas, mais en tout cas, il est certain que l'éducation et l'évolution des mœurs jouent un énorme rôle. Je crois que c'est en Éthiopie où il y a une énorme différence de taux entre les femmes qui sont allées jusqu'au secondaire ou qui ont quitté l'école en primaire. En fait, le taux passe de 5 enfants par femme en moyenne à 2 à peu près, je crois. C'est ça. Donc il y a l'éducation joue énormément là-dessus en fait. Il y a effectivement le nombre d'enfants par femme baisse évidemment énormément avec l'augmentation du niveau économique des pays. Oui, et en 2100, on estime que 183 pays sur les 195 seront dans un taux inférieur à 2,1, donc ce taux de renouvellement. Donc ça touchera toute la planète en 2100. Alors, on se dit que normalement ça permettrait d'alléger un peu la pression sur les ressources, hein, le fait et notamment sur les émissions de CO2, mais en même temps on n'est pas complètement convaincu que moins de monde ça se traduise immédiatement par une amélioration du rapport à la planète, puisque on voit que également plus les pays augmentent en termes économiques et plus chaque individu émet de gaz à effet de serre. Oui, bien sûr, il y a de grandes disparités de toute façon entre les pays développés et les pays en voie de développement. Mais donc ce sont des modélisations, on le saura plus tard en fait. Il y a les côtés évidemment compliqués économiquement, puisque la question de se dire c'est que si effectivement les rapports entre les plus de 65 ans et les plus jeunes sont de l'ordre de 1 pour 2 ou de 1 pour 3, il y a évidemment des problèmes économiques majeurs que cela va poser, mais une partie de l'étude suggère que une population globalement vieillissante pourrait conduire à une société un peu plus apaisé. Oui, c'est assez étonnant. Mais en fait, on voit une corrélation entre le vieillissement de la population et le taux d'homicide. en fait, ou le taux de violence qu'il y a dans une société. Et ça, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qu'on voit sur ces dernières décennies. Plus une population est vieillissante, ou vieille, en fait, moins il y a de crimes. Et c'est la même chose sur la part des 15-34 ans, je crois, et les conflits armés qu'on peut avoir dans un pays. Effectivement, on sait que l'humanité, on aperçoit une baisse de la violence, hein, même si c'est pas ce qu'on a l'impression, parce qu'on l'a toujours avec les nouveaux médias, on l'a toujours face à nous, mais nos sociétés sont de moins en moins violentes. Et le vieillissement de la population est une des explications. Ça, c'est certain. Une réaction à ces chiffres et à cette évolution de la démographie, Olivier Lascar? Comme le dit Thomas, il y a beaucoup de modélisation derrière, donc il faut faire attention à tirer des conclusions. C'est vrai que le fait de se réjouir de ce changement, c'est quand même la réaction première. Je me souviens d'une des dernières interviews de Stephen Hawking qui parlait de l'évolution de la planète et du fait que si on continuait comme ça, aujourd'hui on est 7 milliards, on serait bientôt épaule contre épaule, hein, c'était l'expression qu'il utilisait. Donc a priori ça peut paraître une bonne nouvelle, mais enfin il faut se méfier aussi de cette tendance à, on est dans une sorte de Homo sapiens bashing, hein, depuis quelques temps, hein, et tout pour ce qui... la réhabilitation de Néandertal. Voilà, c'est ça, voilà, Néandertal, il sait tout mieux que les autres. Ouais. Et là, tout ce qui concourrait à une moindre présence de l'humain dans un écosystème donné, c'est toujours célébré comme une grande victoire. C'est, je pense, souvent une fausse bonne idée. Cécile Breton, une réaction à ces projections démographiques? Ouais, moi je trouve ça passionnant parce que en fait, donc déjà c'est effectivement quelque chose qu'on n'avait pas du tout envisagé. Donc ces projections, comme vous disiez, elles sont effectivement encore très très floues. Enfin bon, c'est pas du tout un acquis. Oui. Moi j'y vois, en fait c'est assez étonnant parce que vous savez, il y a la théorie, enfin ce que Patrick Thor appelle l'effet réversif de l'évolution, c'est-à-dire que la culture a été sélectionnée par l'évolution, par la sélection naturelle, et elle est venue endiguer les aspects de la sélection naturelle elle-même. Donc on protège maintenant les anciens, etc. On soigne les malades, donc elle a moins d'accès. Mais finalement, le but de la sélection naturelle, c'est de faire, c'est d'augmenter la reproduction. Donc comme toute espèce animale, on est programmé, c'est pas le mot, puisqu'on a évidemment notre libre arbitre, mais on est programmé pour se multiplier, quoi. Alors, cet effet réversif, il a effectivement favorisé ça. Alors, peut-être qu'on arrive peut-être là à une espèce de climax, hein, où ça va s'inverser, parce que finalement, il y a plein d'explications. La culture, elle a permis justement aux femmes d'être plus éduquées, de vivre en société, donc d'être plus éduquées, donc d'avoir... effectivement, il y a une corrélation directe entre l'éducation des femmes et le nombre d'enfants qu'elles ont. Maintenant, je trouve qu'on a aussi une espèce d'attitude un peu ambivalente vis-à-vis de ça, vis-à-vis ce nombre d'enfants par femme, parce que tous les ans, on nous annonce effectivement les femmes françaises font moins d'enfants, alors c'est toujours un peu la panique. Et puis en même temps, il y a l'autre côté dont vous parliez, c'est-à-dire... il y a une espèce de bashing de l'homme, effectivement, là je suis tout à fait d'accord là-dessus, où on est mauvais, les animaux sont gentils, et donc entre ces deux extrêmes, je crois qu'il y a une idée un peu plus objective à obtenir, mais il faut arriver à juger ces problèmes avec un peu plus d'objectivité, c'est vraiment pas facile. Maintenant, effectivement, quand je vois que c'est plutôt Poutine ou Erdogan qui maintiennent des politiques natalistes, je me dis aussi qu'il y a une angoisse d'une espèce de grand remplacement de race, voilà, pour dire, sans sortir les gros mots. Donc voilà, c'est pas un problème. Alors je pense que personne aujourd'hui est capable de dire si effectivement ce sera quelque chose de bon ou pas. En tout cas, ce sera un changement et sans doute une nécessaire adaptation des sociétés humaines. Mais bon, c'est intéressant et c'est effectivement Que le nombre d'hommes sur Terre baisse, ça ne peut pas être très mauvais, quoi. Effectivement. Tout dépend dans quelles circonstances et à quel rythme. Évidemment, il faut rappeler que les projections sont très à 2100 sont très spéculatives, qu'il y a différentes fourchettes, hein, qu'il y a des fourchettes hautes et des fourchettes basses, et qu'on n'est pas encore tout à fait sûr qu'on en arrive à cela. Mais néanmoins, on a quelques calculs et quelques chiffres qui sont dans ce dossier qui sont assez impressionnants. C'est-à-dire que d'ici, par exemple, des pays comme le Japon, l'Espagne, la Thaïlande ou la Corée du Sud devraient perdre plus de la moitié de leurs habitants d'ici la fin du siècle, ce qui est quand même une chute assez... Bref, impressionnante. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans le Science et Vie de ce mois-ci. On va continuer notre tour de table consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. On va parler de coléoptères et de trésors anglo-saxons. I'm sentimental, comme on peut l'entendre dans la voix émue du chanteur de Johnny Mafia à 16h36 sur France Culture. C'est notre table ronde dédiée à l'actualité des sciences et de la recherche. Deuxième sujet de ce vendredi, nous avons souvent parlé à ce micro à plusieurs reprises des comportements sociaux chez les insectes, les fourmis, les hyménoptères, les termites. Mais comment est-ce qu'on en arrive en termes d'évolution à ces comportements eusociaux, à cette organisation collective? Un indice peut-être chez certains coléoptères qui, sans avoir une organisation encore totalement en ruche, montrent, eh bien, on pourrait dire, Cécile, des prémices de comportements eusociaux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est en fait les coléoptères, il y a énormément d'espèces. Hein, il y a 430 000 qui ont été. Donc on a à peu près tous les cas de figure. Mais aucun de ces coléoptères ne forme des groupes dits sociaux, effectivement, comme les abeilles ou bien comme les fourmis. Ce qu'on appelle eusocial, c'est vraiment une organisation complexe avec des castes, des individus qui sont spécialisés, des soins collectifs au large, etc. Mais on a effectivement des petites prémices d'organisation sociale. Alors le niveau zéro de la socialité, hein, c'est ce qu'on appelle le grégarisme, c'est juste des individus qui se ressemblent et qui se rassemblent mais qui n'ont pas d'interaction vraiment entre elles. Le niveau supérieur, c'est ce qu'on appelle la subsocialité, et ça peut commencer à deux individus, et généralement ces deux individus, c'est un mâle et une femelle qui collaborent pour l'élevage des petits, donc là, dans ce cas-là, des larves. Alors, ça existe, c'est... ce qui veut dire que l'être humain, Cécile, est subsocial. Non, on n'est pas eusociaux, parce qu'on n'est pas spécialisé comme les abeilles, il n'y a pas une femelle reproductrice. Oui, c'est bien pour ça qu'on est subsociaux, en quelque sorte. C'est l'organisation d'un coup pour élever des petits, en tout cas, bon, bref, je vous pardonne, je vous interromps, je vous distrais, je vous laisse poursuivre. On est un petit peu plus, plus élaboré. Un peu au niveau des coléoptères, on arrive péniblement au niveau des coléoptères. Moi, ça me va. voilà. Donc, effectivement, il y a cette collaboration, elle existe dans beaucoup de groupes d'animaux, hein, effectivement. Chez les coléoptères, il y a un début déjà de ce qu'on appelle l'alloparentalité, c'est-à-dire qu'il va y avoir chez certaines espèces quand même un troisième ou un quatrième individu qui va intervenir dans cette aide au nourrissage des larves et à leur développement. C'est souvent évidemment les frères et sœurs. Hein. Ça a été observé chez un groupe de coléoptères qui s'appelle les Passalidés, qui sont des coléoptères tropicaux qui vivent dans le bois pourri. Alors le couple est uni, hein, enfin du moins il est uni jusqu'à la naissance de la première génération. Ces larves, elles sont incapables de se nourrir, donc c'est des xylophages, hein, donc ils vivent dans le bois, ils sont petits, ils sont incapables de dégrader la cellulose et l'hémicellulose, ils n'ont pas les enzymes dont ils ont besoin pour le faire. Donc les parents les aident et régurgitent le bois qu'ils ont eux-mêmes trituré. C'est là où s'arrête l'allégorie avec l'espèce humaine. Voilà, c'est ça. Okay. Je ne vous parle pas qu'ils mangent aussi parfois les œufs qui ne sont pas fécondés et les excréments aussi des parents. Donc voilà, on s'arrête là. On s'arrête là. Comparaison. Ok. Voilà. Donc à partir du moment où la première génération arrive au arrive presque au stade de nymphe, hein, puisqu'on a larve, nymphe et adulte, la femelle pond à nouveau et donc cohabite dans ses galeries plusieurs générations. Et effectivement, chez un coléoptère 2 d'Amérique du Sud, de ce groupe des Passalidés, on a vu des adultes qui aidaient, donc qui n'étaient pas les parents, qui aidaient les larves à construire cette espèce de loge nymphale, hein, qu'elles fabriquent dans ce bois trituré pour passer au stade de nymphe. Et si elles s'effondrent, et là, c'est les observations sur le terrain. Effectivement, les adultes vont l'aider à la reconstruire. Donc, première collaboration timide, mais première collaboration. Alors, il y a un deuxième exemple qui est cité dans ce papier, qui est un peu plus spectaculaire, parce que là, effectivement, on a une amorce de ce qu'on pourrait appeler de socialité. Elle a été étudiée donc chez un coléoptère australien qui vit dans les eucalyptus, qui a un joli nom qui s'appelle Eustroplatypus incompertus. Et donc là, à ce moment-là, il y a une femelle, donc chez cette espèce, il y a une femelle qui est dite fondatrice, hein, qui va creuser une galerie verticale, qu'elle va ensuite ensemencer avec des spores d'un champignon. Et là, on retrouve un peu les attitudes des ce qu'on appelle les fourmis champignonistes. Donc non seulement ils sont déjà un peu élaborés de questions sociales, mais aussi ce sont des jardiniers, c'est-à-dire que ce champignon va être ensemencé dans les galeries et va dégrader justement cette fameuse cellulose qui est impossible à digérer. Et elle va même ramener à la surface des galeries les nutriments dont se nourrissent les coléoptères. Donc, elle construit donc une première galerie, puis plusieurs, et elle va pondre dans ces différentes galeries. Et au bout de plusieurs générations, même au bout de 4 ans, certaines de ces filles, donc vont donc de femelles, elles vont rester en tant que résidentes dans ce nid. Elles ne vont jamais se reproduire parce qu'elles ne vont pas sortir du nid. Alors elles vont pas sortir du nid parce qu'elles l'entretiennent. Elles nettoient ces galeries, elles évacuent aussi l'espèce de sève défensive de l'eucalyptus sécrète. Et elles vont défendre aussi le nid contre les prédateurs. Et petit à petit, elles vont perdre, à force de travail, l'allégorie, l'extrémité de leur pattes, les tarses, ce qui les empêche donc de sortir. Donc c'est pas vraiment comme dans le cas des abeilles où les ouvrières ne se reproduisent pas parce qu'elles ne peuvent pas se reproduire avec ce système chimique de là, c'est plus coercitif, là. C'est plus punitif. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est puni d'une dame, mais qui décide qu'elle reste ou qu'elle parte, je ne sais pas. Mais là, tout de même, Cécile, on est quand même très très près, parce que là, on voit bien qu'on a on a ces femelles résidentes qui s'apparentent à des ouvrières, on a une mère qui ressemble à une reine, avec des mâles qui viennent la féconder. Je crois que la fondatrice, elle peut vivre entre 10 et 40 ans, donc on est quand même très très proche pour le coup. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas encore complètement parler de socialité pour cette espèce d'Eustroplatypus incompertus, c'est pas australo. Alors, c'est pas le cas parce que il n'y a pas vraiment de collaboration entre. Alors, la socialité, il faut vraiment qu'il y ait une communication assez forte entre les individus pour se collaborer au sens où elles vont porter des soins aux larves, nourrir les larves, etc. Vous savez, par exemple, chez les fourmis, c'est assez particulier aussi parce que chaque individu a des rôles particuliers et en fonction même de l'âge de la fourmi, elles vont d'abord être affectées au nourrissage et ensuite elles vont finir leur vie en tant que je sais plus, prospecte la nourriture autour du nid, etc., où elles deviennent des soldats, etc. Donc là, c'est vraiment les individus se transforment pour leur rôle. Donc c'est un peu plus élaboré que ça. Maintenant, les femelles peuvent toujours sortir. Il y en a certaines qui sortent pour aller fonder, effectivement, d'autres. Sinon, il n'y aurait plus d'Australopithecus. vous voyez. Mais c'est le platypus qui est un peu. Voilà. C'est perturbant parce que platypus, c'est le nom de l'ornithorynque. Ouais. Perturbe. C'est ça. Voilà. Un mot, Cécile, rapidement, tout de même, sur le rôle des mâles, parce que les mâles qui sont un peu plus petits, je crois, que les femelles, eux, pour le coup, sont complètement exclus de l'organisation sociale de cette espèce. Ben les mâles, ils s'en vont. Oui, ils se barrent. Donc, et on reprend l'allégorie. Non, on reprend pas l'allégorie. Voilà, non, arrêtons tout là. Le comparatisme dangereux. Dangereux, oui. Non, les mâles, effectivement, ils attirent d'autres femelles par des phéromones qui vont féconder, qui iront s'implanter ailleurs. Effectivement, comme dans beaucoup de cas, le mâle ne sert pas à grand-chose, à part à ça. Mais les mâles partent tous du nid. Il ne reste que des femelles, effectivement. Et du coup, pour conclure, Cécile, est-ce qu'on peut envisager ou imaginer que ces prémices de subsocialité, ce soit un indice un peu évolutif de l'organisation ou de l'aboutissement évolutif d'organisation en société ou en ruche ou en nid? Ou est-ce que c'est aller un peu vite en besogne? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut voir comment ça a pu émerger dans certaines autres, chez les notaires, etc. Mais effectivement, c'est toujours difficile de comparer. Parce qu'il y a tellement de possibilités d'évolution, tellement de possibilités différentes. Non, par contre, ça illustre, ça fait écho à la théorie de la sélection de parentèle, qui est une théorie qui dit que les comportements altruistes naissent parce qu'ils ont été sélectionnés. Comme améliorant la reproduction globale d'une espèce et en favorisant la reproduction des individus qui sont apparentés. Donc en fait, tout ce qui est des questions, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces premières prémices de collaboration, c'est aussi ce qui a peut-être donné naissance à l'altruisme, à l'empathie, qui existe évidemment chez plein d'autres espèces que nous, mais la société est quand même très liée, enfin la construction de la société est liée à l'apparition de ces capacités. Voilà, c'est dans le numéro de mars, les cobléoptères maîtres du monde, que vous évoquez ce sujet, si vous voulez en savoir plus, dans le numéro de mars de la revue Espèce. Thomas, vous vouliez dire un mot sur cette subsocialité, l'apparition des comportements sociaux chez les insectes? Oui, tout à fait. Je trouve ça absolument fascinant d'imaginer comment on peut arriver à une organisation sociale. Et notamment, ça me fait penser au rat top nu, l'un des seuls mammifères à avoir un comportement social aussi. Ils ont une reine, ils vivent en colonie. On en parlait à ce micro, on a fait une émission sur le rat top nu il y a quelques semaines de cela. Comment, alors que tous ses cousins n'ont pas ce comportement-là, on peut arriver à une colonie de ce type chez un mammifère? Donc je trouve ça absolument formidable de se pencher sur ce sujet. Et on va vous remettre, non seulement on a mis déjà Noémie Naguère, mis quelques liens des émissions précédentes sur les comportements sociaux, on va vous remettre également le lien vers cette émission consacrée au rat top nu, alors que nous abordons par la chicane le dernier dossier de la semaine. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et que peut-on dire à 16h47? Eh bien que semaine après semaine, il bascule de plus en plus vers le côté obscur de la fiction. D'ailleurs, cette nouvelle moustache de mousquetaire le fait peut-être basculer définitivement vers le vendredi SF. Pas tout à fait, mais aujourd'hui, Olivier, vous venez finalement nous parler du dernier film que vous avez vu sur Netflix. C'est ça. Vous avez une façon un il petit est bien, peu... J'avais dit par la chicane, hein. Oui, j'avais prévenu. Non mais c'est vrai que je l'ai vu, je vais parler d'un film que j'ai vu, c'est ça. Mais avec plaisir. Est-ce que tous les journalistes font ça? Non, pas du tout, et justement. Alors, c'est un film qui passe sur Netflix depuis début janvier. Alors si on en parle, et si Bernadette Arnault, qui est notre journaliste spécialisée sur les sujets archéologie de Science et Avenir, si elle a fait un papier à son propos qui est à lire sur le site web de Science et Avenir, c'est parce que derrière ce film qui est situé en 1939... Il s'appelle The Dig, précisons-le, qui est disponible sur Netflix. il y a une découverte archéologique qui est parmi les plus importantes du XXe siècle. Alors, il s'agit d'un bateau, d'un navire tombe qui a été découvert sous un dôme de terre. C'est d'une propriété, hein, d'une aristocrate anglaise, une personne qui était, donc c'est une histoire vraie, hein, elle était férue d'archéologie, elle avait visité Pompéi, elle était allée voir les pyramides sur le plateau de Gizeh, et dans sa vaste propriété du côté de pas très très loin de Londres, elle avait des tertres, hein, des monticules de terre herbeux qui avaient une configuration un peu étrange. Et comme elle avait ce goût pour l'archéologie, elle a pensé demander les conseils et l'expertise d'un archéologue local, alors qui était un archéologue empirique, enfin, qui s'était formé sur le tard, ce qui lui posera des problèmes par la suite, et qui va expertiser ces tertres et qui va trouver sous l'un d'entre eux, effectivement, ce navire tombe qui va regorger de trésors archéologiques, des parures, des éléments d'armure, d'épée, un casque magnifique dont la visière reprend la silhouette d'un dragon. Et la surprise totale vient du fait que cette découverte, elle date d'une époque très particulière dans l'histoire britannique, qui est celle des âges obscurs. Alors, les âges obscurs, c'est le haut Moyen-Âge. En l'occurrence, là, on est au 7e siècle. Pourquoi les âges obscurs, outre le fait que ça, c'est très vendeur pour une fiction, mais dans la réalité? Alors, les âges obscurs, c'est le vrai nom, hein, que donnent les historiens à cette période, Dark Ages en anglais. Alors, il y a différentes façons de la définir dans le temps, hein. Évidemment, on parle de période temporelle, donc il n'y a pas une borne à l'entrée, une borne à la sortie. Mais en gros, on considère que ça commence au cinquième siècle, c'est-à-dire vers l'an 400. En fait, ça commence très précisément en 410, c'est-à-dire au moment où les Romains quittent la Grande-Bretagne qu'ils occupaient depuis 3 siècles et demi. Les Romains avaient une présence donc ancienne, on vient de le dire, mais importante. Je veux dire, ils avaient construit le mur d'Adrien, il y a des réalisations très importantes. Le mur d'Adrien qui sépare la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre de l'Écosse. Et ils avaient instauré une organisation, une administration, il y avait l'armée, il y avait un État, il y avait un État qui avait laissé ses marques et beaucoup d'écrits. Donc on sait beaucoup de choses de cette époque-là, de cette présence de l'Antiquité romaine en Grande-Bretagne. On a des documents écrits. À partir de 410, toute cette source textuelle, elle disparaît. Et elle disparaît pendant 2 siècles, jusqu'au 6e siècle, c'est-à-dire 600 et quelques. On peut considérer que c'est la fin des âges obscurs. Certains historiens vont aller un peu plus loin, justement, jusqu'à l'an 1000 à peu près, et ça va coller à ce qu'on considère être le haut Moyen-Âge. Ils vont aller jusqu'aux invasions vikings. Jusqu'au 7e siècle, donc, hein. Si c'est 600, 7e, c'est 7e, ouais. 7e siècle. Et du coup, ce qui est intéressant, outre le côté chasse au trésor, etc., que nous dit exactement ce navire sépulture, précisément de ces âges obscurs? Qu'est-ce que ça va à l'encontre, finalement, d'une idée selon laquelle cette époque serait une époque de réclusion, d'enfermement, d'absence de communication? Alors, c'est une idée qui vient directement de son nom, qui est un nom qui peut être, comme me le disait l'historien Alban Gauthier, qui est interrogé aussi sur le site de Science et Avenir, qui est un spécialiste de l'histoire médiévale à l'université de Caen, et donc il y a son papier sur le site. Il me disait, cette expression d'âge obscur, elle peut être vue comme un peu stigmatisante, mais elle est à prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que c'est un temps obscur parce que, effectivement, on a très peu d'éléments pour savoir comment ça se passait à cette époque-là. Il n'y a pas de texte et les seules preuves tangibles sont archéologiques. Alors, on avait tendance à penser que c'était une époque un peu presque de sauvagerie, en tout cas de grands conflits. Un des seuls éléments qu'on a par rapport à ce temps-là, c'est un document qui vient d'un moine historien qui s'appelle Bède le Vénérable, qui lui a écrit déjà postérieurement, il a écrit plutôt vers en 700 et quelques, il a écrit une histoire réelle. Il a fait œuvre d'historien, il cite ses sources, il est très sérieux. Et il essaie de raconter ce qu'étaient les âges obscurs de Grande-Bretagne. Et il décrit un territoire complètement balkanisé. C'est une dizaine de petits royaumes, chacun dirigé par presque un seigneur de guerre qui règne grâce à une armée de guerriers, de mercenaires. On peut penser à Salammbô à une époque qui n'a rien à voir, mais enfin c'est l'organisation un peu... C'est pas la même époque, c'est pas le même endroit. On adore Flaubert, mais je sais pas si la comparaison est totalement efficace. Au début, quand dans le jardin d'Abilcar, enfin bref, la façon dont on paye les mercenaires et qu'il faut... Films, de la littérature, vous êtes bon pour affaires culturelles avec Arnaud Laporte. Vous avez changé d'émission. J'ai envoyé mon CV. Et donc, vous m'avez trouvé. Ouais, je vous ai perdu. On imagine, vous parliez de la balkanisation et de cette espèce de territoire extrêmement fractionné entre petits chefs de guerre, etc. Et ce que raconte aussi Bède le Vénérable, c'est la façon dont ces territoires dans lesquels il y a des religions, disons, païennes ou en tout cas polythéistes, deviennent de plus en plus touchés par les missionnaires envoyés par le pape et de plus en plus christianisés. Et la tombe de Sutton Hoo porte des traces de cet effet de transition, puisque les éléments, les parures mortuaires qu'on trouve associées à ce corps qui n'est plus là parce que le sol de Sutton Hoo est terriblement acide, donc tous les éléments organiques ont disparu. Il n'y a aucun reste osseux. Par contre, il y a tous les éléments, il y a tout le décorum funéraire, et on trouve beaucoup d'éléments qui sont liés à ce paganisme. Par exemple, le casque qu'on a retrouvé. Alors, il y a des pierres semi-précieuses au-dessus des yeux, aux emplacements qui correspondraient aux arcades sourcilières. Et il y en a un qui est moins brillant que l'autre, et ça a été interprété comme étant une référence à Odin, le roi borgne de la mythologie scandinave, mais qui était aussi la mythologie des anciens anglo-saxons. Et donc il y a ces éléments-là, et à côté de ça, on trouve aussi des cuillères marquées de la croix et avec le nom de Saint Paul inscrit dessus, qui étaient les éléments avec lesquels on donnait la communion. Et aussi plusieurs objets de différents coins du globe. Il y a une attache d'épaule en feuille d'or, renforcée en feuille d'or, qui serait originaire du Sri Lanka. Un autre, un plateau en argent de Constantinople. Aussi des artefacts de Syrie. Donc ça veut dire qu'il y avait finalement un commerce et une ouverture vers l'international qui était beaucoup plus intense, en tout cas beaucoup manifestement plus soutenue que ce que l'on imaginait de ces périodes plus recluses. En fait. Oui, où on décrit des royaumes qui sont les uns sur les autres, qui sont occupés à se faire la guerre d'une façon à peu près permanente. Je disais qu'au début déjà des âges obscurs, il y a plus d'une dizaine de royaumes à l'intérieur de la Grande-Bretagne. À la fin, ils ne seront plus que 4 ou 5. Donc, on pensait que les liens avec l'extérieur étaient finalement très restreints. On sait qu'il y avait des liens liés à l'esclavage, c'est-à-dire que comme ces royaumes passent leur temps à se bagarrer, ils font beaucoup de prisonniers, et certains des prisonniers sont vendus comme esclaves vers le continent. Mais contrairement à ces idées, cette idée reçue d'un monde recroquevillé sur lui-même, la dépouille, la sépulture de Sutton Hoo montre au contraire qu'il y avait de grands échanges vers l'extérieur. Merci beaucoup. Un mot rapide pour terminer à la une de Science et Avenir, Olivier. Alors, à la une de Science et Avenir, c'est la solution hydrogène, un grand dossier pour décrypter cette nouvelle énergie verte. À la une de Science et Vie, Thomas. C'est la multiomique, un réel espoir contre le cancer, et le prochain qui sort est le carbone bleu sur les océans et comment il piège le carbone. Et Cécile Breton, à la une d'Espèces. Des coléoptères, bien sûr, c'est 50 pages. Les coléoptères sur 50 pages, à la une d'Espèces. Prochain numéro anniversaire, donc ne pas manquer. Ne pas manquer, on vous met évidemment tous ces liens sur notre fil Twitter. Un mot pour vous dire aussi, si vous nous écoutez, que vous êtes professeur dans l'enseignement supérieur ou secondaire, que vous faites des podcasts, et notamment des podcasts scientifiques en sciences naturelles et en mathématiques pour commencer, mais même en histoire, en philosophie, etc., vous pouvez participer à l'appel à projet de France Culture qui se propose d'héberger retrouver certains de ces podcasts après sélection par un jury. Vous avez jusqu'au 15 avril, mais on va vous remettre le lien sur notre fil Twitter ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et puis également un mot pour vous remercier toutes et tous pour tous ces gentils mots de félicitations et de congratulations pour bien ce prix du journaliste scientifique de l'année que vous m'avez envoyé sur le fil Twitter et j'imagine sur mon mail aussi tout au long de cette heure. Vraiment merci à toutes et à tous et encore merci et un grand bravo à toute l'équipe de la méthode scientifique sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Donc tout particulièrement aujourd'hui, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Natacha Trioux, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard. Merci à vous toutes et tous. C'était Jean-Frédéric aujourd'hui à la technique. La semaine prochaine dans la méthode scientifique, eh bien lundi nous parlerons de déficience intellectuelle, mardi du nuage de Magellan, mercredi de l'affaiblissement du Gulf Stream, nous ferons le bilan d'un an de Covid avec Antoine Flau jeudi, et vendredi ce sera la Red Team, c'est l'auteur de SF qui conseille l'armée. France Culture. L'esprit d'ouverture.